La Bible David Martin 1855. Les Lamentations de Jérémie. Lamentations chapitre 1. Aleph, comment est-il arrivé que la ville, si peuplée se trouve si solitaire, que celle qui était grande entre les nations, est devenue comme veuve, que celle qui était dame entre les provinces, a été rendue tributaire? Bête, elle ne cesse de pleurer pendant la nuit, et ses larmes sont sur ses joues, il n'y a pas un de tous ses amis qui la console. Ses intimes amis ont agi perfidement contre elle, ils sont devenus ses ennemis. Guimel, la Judée a été emmenée captive, tant elle est affligée, et tant est grande sa servitude, elle demeure maintenant entre les nations, et ne trouve point de repos, tous ses persécuteurs l'ont attrapée entre ses détroits. Dalet, les chemins de Sion mènent deuil de ce qu'il n'y a plus personne qui vienne aux fêtes solennelles, toutes ses portes sont désolées, ses sacrificateurs sanglotent. Ses vierges sont accablées de tristesse, elle est remplie d'amertume. I, ses adversaires ont été établis pour chef, ses ennemis ont prospéré, car l'Éternel l'a plongée dans l'affliction à cause de la multitude de ses crimes, ses petits-enfants ont marché captifs devant l'adversaire. Vaux, et tout l'honneur de la fille de Sion s'est retiré d'elle, ses principaux sont devenus semblables à des cerfs qui ne trouvent point de pâture, et ils ont marché destitués de force, devant celui qui les poursuivait. Zayn, Jérusalem, dans les jours de son affliction et de son pauvre état, s'est souvenu de toutes ces choses désirables, qu'elle avait depuis si longtemps, lorsque son peuple est tombé par la main de l'ennemi, sans qu'aucun l'a secouru, les ennemis l'ont vu, et se sont moqués de ses sabbats. Et, Jérusalem a grièvement péché, c'est pourquoi on a branlé la tête contre elle, tous ceux qui l'honoraient l'ont méprisée, parce qu'ils ont vu son ignominie, elle en a aussi sangloté, et s'est retournée en arrière. Tête, sa souillure était dans les pans de sa robe, et elle ne s'est point souvenue de sa fin, elle a été extraordinairement abaissée, et elle n'a point de consolateur. Regarde, ô Éternel, mon affliction, car l'ennemi s'était élevé avec orgueil. Jo, l'ennemi a étendu sa main sur toutes ces choses désirables, car elle a vu entrer dans son sanctuaire, les nations au sujet desquelles tu avais donné cet ordre, elles n'entreront point dans ton assemblée. Caf, tout son peuple sanglote, cherchant du pain, ils ont donné leurs choses désirables pour des aliments, afin de se faire revenir le cœur. Regarde, ô Éternel, et contemple, car je suis devenu méprisé. La Mède, cela ne vous touche-t-il point? Vous tous, passants, contemplez, et voyez s'il y a une douleur comme ma douleur, qui m'a été faite, à moi que l'Éternel a accablé de douleur au jour de l'ardeur de sa colère. Même, il a envoyé d'en haut le feu dans mes os, lequel les a tous gagnés, il a tendu un ray à mes pieds, et m'a fait aller en arrière, il m'a rendu désolé et languissante pendant tout le jour. Nain, le joug de mes iniquités est tenu serré par sa main, elles sont entortillées, et appliquées sur mon cou. Il a fait déchoir ma force, le Seigneur m'a livré entre les mains de ceux dont je ne pourrais point me relever. Sa mèche, le Seigneur a abattu tous les hommes forts, que j'avais au milieu de moi, il a appelé contre moi ses gens assignés, pour mettre en pièces mes gens d'élite. Le Seigneur a tiré le pressoir sur la Vierge, sur la fille de Judas. À jeun, à cause de ces choses je pleure, et mon œil se fond en eau. Car le consolateur qui me faisait revenir le cœur, est loin de moi. Mes enfants sont désolés, parce que l'ennemi a été le plus fort. P.E., si on se déchire de ses mains, et personne ne la console, l'Éternel a mandé contre Jacob, ses ennemis alentour de lui, Jérusalem est devenue entre eux comme une femme séparée à cause de sa souillure. C'est, l'Éternel est juste, car je me suis rebellé contre son commandement. Écoutez, je vous prie, vous tous, peuple, et regardez ma douleur, mes vierges et mes gens d'élite sont allés en captivité. Kof, j'ai appelé mes amis, mais ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs, et mes anciens sont morts dans la ville, car ils ont cherché à manger pour eux, afin de se faire revenir le cœur. Resh, regarde, ô Éternel, car je suis dans la détresse, mes entrailles bruient, mon cœur palpite au-dedans de moi. Parce que je n'ai fait qu'être rebelle, au dehors l'épée m'a privé d'enfant, au dedans il y a comme la mort. Saint, on m'a ouï sangloter, et je n'ai personne qui me console, Tous mes ennemis ont appris mon malheur, et s'en sont réjouis, parce que tu l'as fait, tu amèneras le jour que tu as assigné, et ils seront dans mon état. Tôt, que toute leur malice vienne en ta présence, et fais-leur comme tu m'as fait à cause de tous mes péchés, car mes sanglots sont en grand nombre, et mon cœur est languissant.